À l'occasion de la journée de la brillante étoile, l'ambassadeur palestinien en Corée, Ismail Ahmad Mohammad Hassan, a offert le 21 courant un banquet dans son siège. Y ont été invités le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, et des officiels coréens intéressés. Y était présent aussi un diplomate palestinien.